C'est un combat trop inégal, ligoté au frigo, nu et à leur merci. Ils ne désiraient que les plans secrets, les coups de ceinture cinglaient la peau nue de ses seins. Ses seins se gonflaient contre le métal froid du frigo. Elle s'offrait un peu à chacun des coups, plutôt jouir que de trahir la cause. Jouir, ego, la cause.